enda kuba. Oh Yesu kwambiyo, Yesu kwambiyo, imambo nanza kwe. Chachisha kwa usina tunezi kufa. Yesu kwambiyo, nika mkufu Yesu, Yesu kwambiyo, nika. Tunaishi leo kwa neema yako. Oh, una unastahili vyote vyangu babe, unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo, unastahili vyote vyangu babe, unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo, unastahili mwimba baba ya kutoka kuro, unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo, unastahili vyote vyangu babe, unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo, unastahili vyote vyangu babe, unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo, unastahili vyote vyangu babe, Yesu unastahili vyote vyangu Ah, célébrer, yoga. Oh, jubilé, jubilé, salabol, yoga. Jubilé, oh yeah yeah, tout le temps. Jubilé, oh jubilé, oh yeah yeah, tout le temps. Jubilé, jubilé, jubilé, jubilé, jubilé, jubilé. Allez bouger, célébrer. Pendant que nos bien-aimés chantaient, il y avait toute chose. Ce qui manquait seulement, c'était vos acclamations. Ah, les gens ont compris. Il manquait juste les acclamations pendant la louange. Alors, nous continuons toujours à louer le Seigneur. Alors, à présent, nous allons louer avec l'orchestre néo-apostolique. Pendant que Bana Shimami a tout nous élargissant, tout d'abord pour la gloire des yeux. Est-ce que l'orchestre des néo est là? Pendant qu'ils se tiennent debout, nous acclamons tout d'abord pour la gloire de l'Éternel. Alors nous allons louer avec eux pendant 10 minutes aussi, avec un cantique simple. Est-ce que nous pouvons encore une fois les encourager? C'est tellement bon. Et même à l'oreille, c'est tellement bon. Et qui nous pousse toujours à louer le Seigneur et les glorifier. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et louer le Seigneur pour cette bonne musique? C'est pour la gloire des dieux, pas pour la gloire des hommes, mais pour celui qui mérite la louange et l'adoration ce matin. Le Jésus-Christ élevé au-dessus de toutes les choses, au-dessus des sages, au-dessus de la vie et de la mort. Dieu l'a souverainement élevé pourvu qu'il soit glorifié et loué. Amen. Alors nous voulons louer encore le Seigneur avec notre chorale pendant quelques minutes seulement. Nous sommes toujours dans la louange. J'aimerais juste ce matin que nous soyons tous dans la louange. C'est peut-être pendant la louange que la guérison peut s'opérer dans votre vie. Car chaque moment d'un culte est une bénédiction pour une personne. Alors pendant que notre chorale approche, nous nous préparons pour la louange et nous allons louer le Seigneur ce matin. Pika kikile kele pona Yesu betana numbulolo tele malikolo tulikito kumisazambe tele malikolo beta mulolo mulolo Alleluia Alleluia Alleluia Alléluia, tout le monde, tout le monde, tout le Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, time. Quelqu'un a constaté qu'il manquait une chose encore ce matin. Ah. C'est la chose juste qui manquait pendant la louange. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes toujours dans la louange. Nous voulons louer le Seigneur avec un groupe de la place qui est déjà ici, sur place. Et pendant que juste les groupes Gaël se tiennent juste debout, nous les encourageons tout d'abord avec les acclamations. On a toujours dit que la maison qui reçoit les visiteurs, c'est une maison bénie. Alors ce matin, nous sommes bénis par leur présence et nous allons louer le Seigneur avec le groupe Gaël pendant quelques minutes. Est-ce que nous pouvons encore une fois les encourager avec les acclamations? Alléluia. Bonjour à tous. Je crois que vous allez très bien. Alors le Seigneur est présent. Nous sommes à la source féconde. Nous disons merci à tout le monde et nous disons merci aussi à notre papa. Hier c'était son anniversaire. C'est pourquoi nous sommes venus pour participer à cette fête. Alléluia. Je crois que tout le monde avait souhaité joyeux anniversaire à papa. Qui n'avait pas fait ça? Personne. Est-ce qu'on peut acclamer alors le Dieu qui ajoute les âges, le Dieu qui fait grandir les gens? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en ce lieu? On peut acclamer celui qui vit pour l'éternité. Si votre voisin encore distrait, ça vous pouvez l'encourager de le faire. Nous acclamons le Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant. Le Créateur invisible, il a créé tout ce que nous voyons. Il a mis en place ce qui est en nous, même le sang qui est dans notre corps. C'est lui qui en avait placé. Il est merveilleux, il est puissant. Et pendant un moment, votre cœur peut parler à Dieu. Élève la voix, dis à notre Dieu, Seigneur, que ton nom soit loué. Ma louange ne va peut-être pas monter dans la chanson, mais j'aimerais l'exprimer avec mon cœur. Est-ce que vous pouvez parler devant le Seigneur? Le Dieu véritable, nous te bénissons car tu es fidèle. Tu es glorieux. Tu es élevé. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es le plus grand. Tu es le plus bon. Tu es celui qui a la qualité le plus élevée. Tu es celui qui a la qualité le plus élevée. La profondeur la plus profonde, c'est ce qui est en toi, Seigneur. L'élévation le plus élevée, c'est ce que toi tu as, ô Dieu. Tu es placé plus haut, plus haut, plus haut, ô Seigneur. Il n'y a pas de hauteur qui peut te surpasser. Quand le diable a cherché à placer son trône là-haut, il n'avait pas trouvé l'espace. Parce que toi, tu es au-dessus de la hauteur. Tu es au-dessus de toutes choses. Béni soit ton nom, toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Et ce matin, nous te célébrons. Toi que nous appelons Musungi Nabato. Toi que nous appelons celui qui soutient les hommes dans leur faiblesse. Toi qui gardes les hommes dans leur déséquilibre. Osamo Sungi Nabiso. Merci Omo Sungi à Papa Désiré Banda Zalagi Bebeti à Komi Mokolo. Yomo Sungi à Source Féconde Banda Bazalagi Ministère Nakatia Ndaku. Ti Bakoma Église à Monène, Communauté à Monène. Yes Osamo Sungi Nabiso. Béni soit ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pendant que nous faisons ces chants? Alléluia. Ozali Papa yozali malamu mingi pona ngai isekwa lya bae batenda ona elikya ya kosekwa Hallelujah Kolo dioza moninga nanga elongeza nayo ebipa yozali neza malamu Kolo yozali nyonso ya motuya Mubateli nanga vipay nandona mbote mananga Ozali oyo mosusu azali teo Lilo bali abomo vipay nafandisa elija Papa yozali malamu mingi ponangai Ise kwa liabae bakendao na elikia ya kose kwa Hallelujah. Nosali kimia pese konanga Bile mboya bozo mingoyo mokilie koki kofesate Bipaina zaki ya mweza sukateo Bobi ya nonanga bisimba minayo Mosuji na bato Nosali nzambe ozana sukateo Mosungi ya bae balemba obe babungisa elinja Yo simba nyoso nanguya ya niloba na yo Mokeli mondene onzambe na biso uzabu sala Yo zali oya fani na mote mananga pe ya sunga kangaye Na wana na kembo na yo Zali oya toni sali kolo na sena botambe na yo Bobi sobi kumisa yo Zali oya fati na mote mananga pe asunga kanga Na kota na kembo na yo Zali oya toni sali kolo na sena botambe na yo Bobi sobi kumisa yo Ozali likonzi ya bombo ya basantu Ekimelo nanga ozali nzela bipay na kotambulaka Papa yozali malamu mingi mpona ngai Lisekwa lya bae bakenda ona elikya ya kosekwa Ozali oyo mosusu azali teo Liloba lya bombo bipay na fandisa elikya Papa yozali malamu mingi mpona ngai Lisekwa lya bae bakenda ona elikya ya kosekwa Ozali nzambe ozana sukateo Mosungi ya bae balemba ope babungisa elikya Yo simba nyoso na nguya ya niloba na yo Mokeli monene ozambe na biso ozako sala Est-ce qu'on peut acclamer encore Mosungi na bato? Alléluia! Aza Mosungi na bato. Yangwana loba atana poazo et laka ekufaka. Atonda biso mote manzambalol. Alléluia! J'aimerais voir ta joie ce matin. J'aimerais voir votre joie, j'aimerais voir votre visage rayonner. Alléluia. Singa moninga ya motema na ye Koluweza nga suka na zaya yeswe apesinga nyonso wezali aye boetengana bikabo moya tambe apakolinga imafuta ekongengisa molimo mwanga boetengu ya nzambe tambwisanga akomisi kombo na ngai na buku ya bomoi na yeo mpo nazala seko ya ese nazaya yeswe nabotama na molimo mosantu na nzoto te o nazaya yeswe bomoi nanga ekoma nango libonza ya nzambe tata nazaya yeswe nasimbama na liloba nzambe na nkolo na bomo nazaya yeswe napetolama na makila motuya ya mwana nzambe yango ata bitumbeleki makasi na bangai nasimbama na mokeli na nyonso assurance eternelle naza na nga moleki me pourlinso naza na nowa na nse abengi nga mwinda nasala nini naza kopela yeswe yango ata liboso ya kufa na banga nzeyo nasimbama na makomi elobi yesu alonga nde liwa naza na nga moleki me pourlinso naza nano na bomoi abengi nga mungwa nasala nini naza kopesa bu na mokili koloko ya pesinga ntina naza ya ye naza ya yeswe nazoka yo te deklara naza ya yeswe ese tu peux le deklare ce matin naza ya yeswe ese bato oyo balukaka baboma ye na fami bayoka yango bayoka yango deklare ça toi même come on kolo ya pesinga ntina naza ya ye naza ya yeswe nakoma propriété privé ya nzambe mokeli ya nyonso naza ya yeswe omoinanga basimba te bameki basimbi nzambe naza ya yeswe motindami asimbi yelaka akufaka te naza ya yeswe inoko yo nzambe alobi ekokisa makati na ye naza ya yeswe le fils de la promesse na mère jamais naza ya yeswe motelanga telaka nzambe nano ekokisa mite naza ya yeswe ata na poison elaka ekufaka te naza ya yeswe elaka nzambe kotimisisa epesinga bomo naza ya yeswe ekokisa makata moto abwakami na moto e naza ya yeswe senami mokivi sepito jesu ki vita mwa naza ya yeswe oyanga masiya eloko ebomaka ye te naza ya yeswe isika tangi maloba moto akontredire te naza ya yeswe motenanga te akomisanga oyo ya azali ye naza ya yeswe babenga ye mokonzi apesinga bokonzi na ye naza ya yeswe motenanga te akomisanga mwinda lokola ye naza ya yeswe naberange tenebre nyonso ya mokili ya lelo naza ya yeswe motenanga te akomisanga molongi lokola ye naza ya yeswe esika nakomi parfum de bon odeur emati likolo naza ya yeswe naza ya yeswe naza ya yeswe naza ya yeswe naza ya yeswe naza ya yeswe est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Nous appartenons à celui qui est inébranlable, notre Dieu fidèle. Alléluia. Yangwana tamokili ninga ni bisika na fandi nakobange loko moko te po azana ngai. Alléluia. Atamokili etelemi epoi kokende komi na suka na mikolo zali ekoma melo nanga mosantu pwete nyonso ezalisami kaka na yo mokeli nakokamwa nyonso esimbami na yo kolo elonga na nga eza na yo yesu na yo nde nabengi nzambe tata yo nde mobateli bampate ya nzambe yesu na yo nde nabengami mosantu kolo lobiko ya bayeba kokanga yesu na yo nde nabengami mokitani ya nzambe na bomo kai pwetenzele tondi minyoko kulu yoko pesa mga lopo konga na simba toke mosala oyo bandi yoko mipaka kito na mga musuji nangaza lina nguya ya koko misaka kolo elopa na kare sana yoe yesu na yote na zengi zame sata kone tomate ni mampate angame yesu na yote na venga kipo sato kolo lomiko ya bae bako kanga yesu na yote na venga mimo kinjani ya zame na bongo kusuki na kazali kusala na wakati Yesu yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo lolendo nanga Yesu yo lolendo nanga yo lolendo nanga Yesu yo lolendo nanga. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Nanyanzo kiselanga biyando na mituna nanga. Nanyako simbelanga makambwele kima yele nanga. Nanyako bundelanga mitumbele kima kasi nanga. Obele masia, oh, obele yo. Nanyako lobelanga etike na zangi baboti. Nanyako salisanga mobola na pasi nanyango. Nanyako katelanga likambo satana tele misolo. Obele masia, oh, obele yo. Yo salisina ya bozali nanga ya wawose. Yo salisango koyo motema nange lingaka koyoka. Bozali bendele ya lokumu epope patango iso. Kati na mote mananga, Mungu mabeli na yo. Yo zali zambe, oh. Yesu yo elonga nanga. Yo elonga nanga. Yesu yo elonga nanga. Yesu yo elonga na bine liyo. Yesu ngai na bine liyo. Yo na bine liyo. Yesu ngai na bine liyo. Elles sont peu poussées de cris de joie. misi ya bilaka ya tape Lipa na bomon, oyo moli monange besa na kolia Oza li bendele ya loku, mureko pepa tango iso Kati na mote mananga, mungu bameli na yo Oza li zape yo Yesu yo elonga nanga Yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Yesu yo lo lendo nanga Yesu yo lo lendo nanga Yo lo lendo nanga Yesu yo lo lendo nanga Yesu yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Est-ce qu'on peut pousser des cris déjà Pepa pepa Pepa pepa pepa se tenir debout. Tenons-nous. Est-ce qu'on peut se lever ici? Il y a un verbe que nous, à Gaël, on conjugue ces derniers temps. C'est le verbe s'enjoler. À Gaël, cette fois-ci, on commence à s'enjoler. Moi, je s'enjole. Lui, il s'enjole. Et nous s'enjolons. Alléluia! Alors, Zo Mouchoir, na yo salabou. Sanjola, Sanjola, Sanjola, Sanjolé, Sanjola, Sanjolé, Sanjola, lele, lele, Sanjola. je peux, on danse seulement comme ça. Poussons des cris de joie. Alléluia. On va continuer juste quelques minutes. Nous bénissons la présence de Dieu ce matin. Nous bénissons aussi votre présence ce matin. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Seigneur? Alléluia. J'ai appris dans la vie que rien n'est automatique. Rien n'est automatique. Rien ne vient de soi. Si Dieu ne l'a pas ordonné. Alléluia. Amen. Faire confiance en Dieu en toute situation de la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, élève ta voix pendant une minute. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur. Parce que rien n'est automatique dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as, c'est Dieu. Et bénis-le d'abord. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te donne la vie chaque matin. C'est lui qui amène les gens à te saluer. C'est lui qui te donne du travail chaque jour. C'est lui qui te donne la capacité de manger. C'est lui qui te donne la capacité de respirer. Mon âme bénit le Seigneur. C'est lui qui t'a donné une femme. C'est lui qui t'a donné un mari. C'est lui qui t'a donné les enfants. C'est lui qui te donne la capacité de mettre tes habits. Oh, mon âme, n'oublie aucun bienfait de Dieu. N'oublie pas le Seigneur qui garde mes parents. N'oublie pas le Seigneur qui nous protège de la guerre. N'oublie pas le Seigneur qui nous guérit de nos maladies. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse dans ma bouche. Je te reconnaîtrai davantage, Jésus. Je te reconnaîtrai tous les jours de ma vie, le jour comme la nuit. Alléluia. Mes pensées se tournent vers toi. Le jour comme la nuit, je soupire et je me dis, Dieu existe. Dieu est pour moi un abri. Dieu est pour moi une forteresse. Dieu est pour moi une tour haute. Je m'y réfugie ce matin. Et je bénis le nom de Jésus. Oh, sois élevé, Seigneur. sois élevé ce matin. Parce que tu es incomparable. Parce que tu es incomparable, Jésus. Parce que tu es incomparable. Alléluia. Oh, Jésus, sois élevé. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Que ton nom bénisse le Seigneur ce matin. Que ton nom bénisse le Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. Beaucoup de joie de beaucoup de choses. Et nous bénissons le Seigneur. Je vais vous présenter quelques bien-aimés qui sont là. Dans 4 jours exactement, le 16, donc dans 3 jours, il y a une grande campagne de vaccination qui commence à Likasi, au terrain Mapinduzi, pour le salut des âmes. Et comme vous savez, il n'y a pas de chrétiens sans évangélisation. Il n'y a pas d'église sans les chrétiens. C'est comme pour dire, il n'y a pas d'église sans évangélisation. Le temps que nous nous réunissons, c'est seulement le temps pour recharger nos batteries. Pour recharger nos batteries. Pour aller annoncer le Seigneur. Et c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Pour cela, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, nous avons reçu les bien-aimés de Sifan. Je voulais leur accorder quelques minutes pour nous donner le programme, nous présenter le programme et ce qui va se passer à partir du 16 jusqu'au le 20. Et comme nous travaillons chaque année dans l'évangélisation, je voulais déjà encourager l'église à être là pour le salut des âmes. Alors je vais inviter les bien-aimés. Pendant qu'ils s'approchent, on acclame le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Bishop. Asante sana, Mheshimiwa. My name is Jacob Habie. Jina yangu naitwa Jacob Habie. And I'm coming from Tanzania. Natokea pale nchi ya Tanzania. The city called Arusha. Mwile mtu anaita Arusha. Hallelujah. Arusha. Amen. Hallelujah. Amen. And I'm here on behalf of Christ for All Nations. Niko hapa juu ya Christ for All Nations. I have like 2 months now in Likasi. Nenda sasa miezi mbili hapa petu Likasi. Najua Likasi kuliko wewe. I know Likasi more than you. Hallelujah. Amen. I know everywhere. I went everywhere in Likasi. Ninajua fashi yote, mirienda fashi yote mu Likasi. Kila nikiongea Swahili yangu ananiambia hiyo Swahili yako mbaya. Wakati nasema Swahili limetiske ton Swahili la ni pas bon. Najitahidi kuongea hivyo hivyo. J'aimerais parler toujours comme ça. Even my interpreter is suffering with my Swahili. Hata mtafsiri wangu anateseka na Swahili yangu. Hallelujah. Amen. Wangapi wameona hili tangazo huko mtaani? Combien ont déjà vu ce communiqué là ou cette publication dans la ville? Amen. Wow. Amen. So that is the why I told you I know Likasi than you. Jukoma nilikwambia sema najua Likasi kukushindia wewe. Because we put all over the in Likasi. Tuliweka hii fashi yote mu Likasi. So our crusade is next week. Na kwazati yetu iko juma inakuja. From 16 to 20th. Kwanzia le 16 paka le 20. I'm here just to want to encourage and partner with you. Niko hapa ili niwaankuraje na tutumike pamoja. I want to tell you something this morning. Napenda nikuambie kitu fulani asubuhi ya leo. You are here today because there is someone encourage you to come to church. Uko hapa leo ndio kule mtu alikukurajaka wewe kuja kwa kanisa. No one just come to the church. Hakuna anakuja kwa kanisa. Kuna mtu alifanyika baraka kwenye maisha yako. Il y a toujours celui qui était bénédiction pour votre vie. Unaweza sema mimi nimezaliwa kanisani na wazazi wangu wameokoka. Veut dire que moi j'étais né à l'église. Even your parents or your pastor is the one encourage you to just come. There is a mamas or babas teaching you and train you in Sunday schools. Those all people are so important in our life. I remember for me is my sister who did that. I was born in the Catholic family. And then one day I went to visit my sister. And then she told me, we have crusade tonight in our church. And then I said, okay, let's go to that crusade. And then the preacher preaching about my life. I said, no, maybe my sister go and tell a preacher about me. But there is something even my sister doesn't know. Nikasema huyu ni Mungu ameniona. Lakini kuna watu sitawasahau. Il y a des gens que je ne sais jamais oublier. Walikuwa wananifundisha how to read the Bible. Qui m'apprenaient comment lire la Bible. Wakawa wananifundisha namna gani ya kufunga na kuomba. Qui m'apprenaient comment jeûner et prier. Maana huko nyuma nilikuwa sijui mimi naenda tu kanisani. J'allais seulement à l'église, je ne savais pas. Nikitoka Jumapili naondoka zangu naenda nyumbani. J'étais parti rentrer à la maison. Hallelujah. Amen. So Christ for All Nations, hatuna kanisa sisi Likasi wala Afrika. Kristo jua mataifa yote atuweke kanisa pa Likasi wala. Ndio maana tunapatana na wachungaji na mabishop na kanisa ili wale watu watakaookoka waje kanisani. C'est pourquoi on travaille ensemble avec les églises, les pasteurs pour que les âmes sauvées viennent à l'église. Tunakuhitaji wewe kuliko unavyodhani. Nous vous invitons aussi. The Bible says the harvest is ready. Biblia inasema vuno ni tayari. Lakini watendakazi hawapo ni wachache. Les ouvriers sont moindres. So niko hapa kukuomba ili uwe mtenda kazi pamoja na sisi. Je suis ici pour vous demander pour que vous travailliez avec nous. Kuna mtu anahitaji upendo wako tu aje aimbe kwaya kama wewe. Il y a quelqu'un qui n'attend que votre amour pour qu'il na pengine ana sauti nzuri kuliko ya kwako lakini hajui nani atamkaribisha. Il y a une très belle voix que vous mais qui vont l'inviter. Kuna jirani yako anahitaji tu wewe umkaribishe kwa mkutano. Il y a votre voisin qui n'attend que vous puissiez l'inviter à l'église. Kwa hiyo namba moja tunakuhitaji wewe uwakaribishe watu ambao hawajaokoka, wakaribishe na maadui zako. Wangapi wana maadui? Asante bishop, amewaona, umewaona wenye maadui, umewaona wamenyosha. Sasa si tulokoka hatuna maadui. Haleluya. Lakini wote tuwakaribisha. Haleluya. Haleluya. Namba mbili tunakutaka wewe uwepo na sisi pale kwa mkutano. Numéro 2, on voudra que vous soyez avec nous au terrain. Ili watakao okoka uwakaribishe kwa hii kanisa. Pour que ceux-là qui seront gagnés que tu puisses les inviter à l'église. Amen. Sasa unasema tunakaribishaje? Tunacho hiki kitabu kidogo kimeandikwa na Daniel na Bernard Bonnke. Nous avons ce petit livre écrit par l'évangéliste pamoja na Daniel Colenda. Hiki kitabu kwa hapa nyuma kina maneno machache. Ina jina, il y a le nom, alafu ina phone number. Il y a le numéro de téléphone. Alafu ina address. Et aussi l'adresse. Wewe kazi yako mwinjilisti akifanya akisema watu wainue mikono. Votre tâche si l'évangéliste disait que les gens. Wewe kazi yako ni kumfuata yule mtu aliyenyanyua mkono. Votre travail c'est de suivre celui qui a levé sa main. Na kujaza information yake hapa. Et remplir ses identités sur cette page là. Ukimaliza unaichana hiki karatasi. Après que vous ayez fini, vous allez couper cela. Unampatia yule mtu aliyeokoka hiki kitabu. Vous donnez à celui qui est sauvé ce livre. Ukishampa hiki kitabu. Après que tu lui as donné ce livre. Dada umeokoka. Ehe. Ukishampa hiki kitabu. Après lui avoir donné ce livre. Wewe unabakiwa na hiki karatasi. Vous restez avec cette carte. Kwenye hiki karatasi kuna pande mbili. Il y a deux parties. Kuna hii ndogo. Il y a la partie inférieure. Haina jina wala namba. Qui n'a ni nom ni numéro. Hii unatuletea sisi. Ça c'est pour nous. So we can know how many people got saved that day. Nous pouvons savoir combien d'âmes ont été sauvées ces jours. Alafu hii kubwa ambayo ina address na phone number. Et la partie supérieure qui a la unaichukua wewe unakuja naye kanisani kwa pastor. Naamini kuna watu watakuwa wameandaliwa kwa ajili ya kumake follow up. Je crois qu'il y a ceux qui sont organisés pour ili wawapigie simu ili wawakaribishe kanisani. Najaribu kuwaza tu kama sisi hapa tuta kila mtu ataleta tu mtu mmoja tu hapa kanisani. Une seule personne. Hata kama sio wakati wa huu mkutano. Yaani wewe ukafanikiwa kwa mwaka mzima kuleta mtu mmoja tu. Si seulement pour toute une année tu amènes une seule personne. Ninachoona ni kwamba hili kanisa baada ya mwaka halitatosha bishop. Je vois que cette église avant la fin de l'année sera petite. Tutahitaji tujenge mnene zaidi. On sera obligé d'agrandir notre. Hallelujah. Na kazi ya kuleta watu kwa Yesu. Sio ya mchungaji. C'est pas pour les pasteurs. Sio ya wazee wa kanisa. Les anciens de l'église. Ni ya kila mtu aliyeamini. C'est pour tout celui qui a déjà cru. Aliyeokoka. Sauvé. Kama unaona kuna kitu hapa kwenye hii madhabahu. Kuna watu hawajui kama kuna kitu hapa. Wanahitaji waje waone alafu praise wanaimba vizuri. Nimewapenda sana kwa muda mchache tu. Natamani niwabebe niwapeleke Tanzania. Je vous aime beaucoup, je souhaite même aller avec Tanzania. Ananishangaa, haelewi Kiswahili yangu. Anashangaa tu anatoa macho. Haleluya. Kwa hiyo ni hayo tu. Ninaomba tuje ili tuwe watenda kazi. Je vous demande qu'on soit là pour travailler. Na mimi nataka nimalize leo. Wangapi wanataka watakuepo kuja kuhudumu pamoja na sisi? Kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12. Haelewi, si umeona eh? 6 from 4 to 6. De 14 à 16. Yeah. Sasa mimi nataka niwapatie badge alafu mimi nimalize Bishop, asante sana. J'aimerais vous donner les badges et je vais terminer par là. Hii ni itakuwa ni ya kutenda kazi yako. Sasa sera pour travailler sur terrain. Naomba shemasi mmoja nisaidie. J'ai besoin d'un diacre pour m'aider. Jo basi hata wewe. Mbona umetulia tu? Ah, asante. Naomba nyosha mkono. Sasa hii hapa ni volunteer badge. Sasa c'est ton de badge de volontaire. Ambayo hii utakuja naye pale na kila mtu atakuona wewe ni volunteer. C'est avec ça que vous viendrez sur. Alafu uki utapewa vile vitabu pale uwanjani. Et là avec ce badge on va vous donner ces livres là. Jamani kikubwa sio tuhubiri injili. L'essentiel n'est pas kikubwa tunatamani wale watu watakaookoka waje walelewe wakule wokovu. Nyosha mkono wape nyosha mkono. Kila mtu. Alafu bishop ni ndo kamiti ya mabishop wote hapa wanaosimamia huu mkutano. Kwa hiyo msimwangushe bishop wenu. Ne décevez pas votre bishop parce que celui hata kama unaenda kwa kazi, si vous allez au boulot, ukitoka tu kazini wewe njoo moja kwa moja kwa mkutano. Juste après le boulot, rendez-vous directement au terrain. Huyu jamaa juu Kiswahili hata kidogo ananiangalia tu. Itabidi nije nianzishe darasa. Na wewe hakikisha unapata mtu uje umfundishe kupiga keyboard. Rassurez-vous, c'est vous que vous trouverez une personne pour que vous puissiez l'apprendre comment jouer. Amen. Amen. Wewe ni nani? Protocol. Na nyewe fungueni huku niwape. Mbona mmejifungia huku? Hallelujah. Amen. Mungu awabariki sana na nyewe. Que Dieu vous bénisse. Nyosha mkono, pokea, wote wapokee. Bishop ambaye hapokei fukuza, hafai kukaa kanisani. Kwa sababu kama mtu hazai, Biblia nasema asiyezaa matunda, mti usiozaa matunda unakatwa, unatupwa. Sasa wewe, unataka tu ukae tu peke yako, upate baraka peke yako, ukae umejiachia. Nitakiwa hapa pajai tu banane. Sema haleluya! C'est ça être évangéliste. Injo kazi ya mwinjilisti. Alléluia. Amen. L'amour, le zèle des âmes, tout ça. Pendo na bidi ya manafsi. Ça, il faut avoir l'appel. Iyo, pako kwe na mwito. Ok, thank you, Mr. Jacob. Thank you. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui, pour l'encourager? Amen. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ok, on va louer le Seigneur avec un cantique et puis on va adorer le Seigneur avant de continuer. On loue d'abord le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, on acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, on acclame. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Kolonanga na bususuli masia ya bosali samina yo kazi na motema lokola bozinanga awana sena moi nyoso yo koma bonanga me osala bonanga yango de motema esopi lokola loyembo ya lelo liboso ya kiti ya ngolu yamba yango na esengo ebombi ekoki te ekomi kobima na maloba ebundi makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyembo nabozalisami na yo nazwi esengo nabukisa utakala nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili olaka kolakisanga mpe kobakisanga mabomba mina yeba te nyonso mpo naza kati na yo na lisolo ya biso mibale okomelaka ngai eloko te nyonsozu wana tata olakisa ngai boto tokoma baninga onetolama onetolama moninga na yo nyonso mpo naza kati na yo pesanga kombo ya sika mosantu kati na yo papa nanga yo nde nasima mipo na seko yesu nanga okoma esika bopemi nanga nzambe nanga nyonso mpo naza kati na yo yaya yo pesanga kombo ya sika yesu pesanga kombo ya sika mosantu kati na yo yo nde nasima mipo na seko yesu nanga ngai nakoma moto na esengo yaya nanga moto na esengo libela kati na yo nasima bendele elonga masi ya yesu nanga koma esika bopemi nangazambe nanga nyonso mpo naza kati na yo eso mpe bouge bouge pousse des cris de joie kozala kati na yesu nde assurance ya solo moto moko te akolongolanga biso yango mpo na ngai okoma nzambe yolo na yeliki aponga na bosana yango oya na makoki akolongola lisumu nzambe na nga nyonso mpo naza kati na yo yango opesanga kombo ya sika yesu mosantu kati na yo nasima mipo na seko yesu nanga koma esika bopemi nanga yote liloba na bomo nyonso mpo naza kati na yo ngai nakoma moto na esengo yaya nanga esengo libela kati na yo yesu nanga koma esika bopemi nanga yesu nanga nyonso mpo naza kati na yo kolo nanga nyonso mpo naza kati na yo nyonso mpo naza kati na yo okoma elembo ya bonzambe kati na nga mosantu nyonso mpo naza kati na yo nakoma isangole libula emilaka ya nzambe tata nyonso mpo naza kati na yo mpona yo yesu mokili ya molili ekoma kobanga nga nakoma tempelo efandisa molimo ya nzambe tata bomoi na nga na mokili ekoma ya moleki nzela nyonso nakosala ekosimba mpo na zambe moko na mi esengo ya nzambe ekoma makasi na nga mosantu bongo bilembo ya bonzambe memanga na epimelwa likolo uta okota kati na nga nakoma moyengebene yaya okundaka ta bitumba oyo miso na nga emonaka te nazalaka moto akolela nakoma moto akoseka yaya yosa yanga naza ya yo yesu esanga kombo ya sika mosantu kati na yo na yo nde nasima mipo na seko koma esika bopemi nanga yesu nyonso mpo naza kati na yo aleluya elingi yo nde ebongi yesu Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à l'adorer maintenant. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Élève ta voix, commence à le bénir. Alléluia. Oh, merci. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Oh oui, je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Oh, Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Alléluia. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tout ce qu'on veut, tout ce qui me frôle, El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Je suis précieux. En cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Oh oui, je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Oh tendre père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'adore, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'adore, je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh oui, il a mis fin, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Alléluia. Je l'adore. Vous allez bolingo solo, Jésus. Bolingo solo. Nous t'adorons, toi le roi. Olinga biso le lenge to zali. Nous t'adorons toi notre père. Odima biso to zala ya yo. Nous t'adorons toi l'ancien. Odima to zala likabona yo. Réparateur des brèches. On dit manion se pon a biso. Comme on a été au moment. Toi le véritable Dieu. Toi qui règne au-dessus de tout. Rien n'est impossible à toi. Tu accomplis de grandes choses. Tu bénis les hommes en ton nom. Tu as dit à Abraham, en ton nom, toutes les nations de la terre seront bénies. À toi, Seigneur Jésus. Ozali bolingo solo Yesu. Yango na totongo liyo na tongo alléluia. Alléluia. Kumama Yesu na mosi. Hallelujah. Liboso ya kiti na yo, tuye kundi waka tata, mikati na kembo na yo, tuye kongubane na yo, nanyako tele mankolo, ipayo tele miyawe, yango to kiti liboso, yango ya pekembo na yo. Yemba yawe. Soya kiti na yo toye koto bokonzi na yo hallelujah yo bongiye liboso ya kiti ye liboso ya kiti na yo toye koto bokonzi na yo bokonzi na yo c'est l'église lève le seigneur ce matin liboso ya kiti na yo. Papa Fanda na yo Zualo kumu Fanda na yo Yobongiye Umela Umela Umela papa Umela Umela Umela papa Umela Umela na kwende na yo na kiti na yo Umela Oh, tu es merveilleux, Jésus. Je bénis ta présence. Toi qui règnes, toi qui règnes. Je bénis ta présence. Tout est possible à Jésus. Oh, sois élevé. C'est encore possible. Hey, grâce est disponible. Oh, merci. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Oh, merci. Oui, faire cette déclaration. C'est possible aujourd'hui. Alléluia. S'il vous plaît, le cœur. L'église seulement. Alléluia. C'est encore possible. La grâce est disponible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient comme un seul homme. Oui, c'est encore réussir dans cette nation. De réussir dans cette nation. Dans cette nation bénie qui est la RDC, c'est possible de commencer petit et de devenir grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bénissons le Seigneur pour ta présence ce matin. C'est le groupe Gaël de Lubumbashi. Qui de temps en temps nous amène à de bonnes dimensions. Et ça nous rappelle beaucoup de choses. L'homme doit faire un effort dans la vie pour ne pas oublier. Et Dieu nous le demande. C'est comme ça qu'à un moment donné dans la marche avec Dieu, Dieu va te rappeler certaines choses. Il y a aussi un groupe qui est là ce matin que j'ai invité personnellement et particulièrement. Qui m'a fait du bien. Je vais demander un cantique, Nikuta Moussana Kwangu. Ça peut marcher? Il y a un cantique là que je peux demander. Ça combat avec Wimbo Moja. Hein? Nina Fikiri. Ça peut marcher? Ok. Ils vont chanter. Ils chantent très bien. De temps en temps, il faut écouter des chansons comme ça. Alors, c'est le groupe de l'orchestre classique des néo-apostoliques. Comment on appelle ça? Néo-apostolique. Le nom de l'orchestre? Hein? Mimi ni musique. Ok, l'orchestre Mimi ni musique. Mimi ni musique. Suivant. Et nous serons bénis. Na, tout a barikio. C'est pour montrer que ce sont des choses que nous devons connaître. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, que c'est beau. Alléluia. Amen. Une musique pas agressive. Hein? Et une musique qui a pas. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur, je suis émerveillé par mes soeurs qui mettent les violons. C'est les violons. Violon. Et le gros là, c'est le cello. Le cello. Violon à cello. Après, Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et après, nous allons encore écouter un bon cantique que j'ai demandé. Et c'est bien d'écouter de temps en temps. Que le Seigneur vous bénisse. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que tu as bien fait de venir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Bonjour, bonjour Marc. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, verset 20. Genèse chapitre 22, verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Alléluia. Amen. Je voulais enseigner sur ce verset. Quand je l'ai lu pour la première fois, même moi-même, j'ai posé la question que ce verset, c'était vraiment rien. J'ai continué à lecture et puis je suis revenu encore le verset. Alors là, le Seigneur a commencé à me parler sur ce verset. Il paraît un peu anodin. Anodin. Que c'est rien, mais Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en lui disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît le jeu de puzzle? Nana yo nimchezo ya puzzle. Qui a déjà joué au puzzle ou bien il connaît? Wala sa ucheza kule mchezo wana naifahamia vizuri. C'est un jeu. Ili mchezo moja. Malheureusement, je ne l'ai pas, je n'ai pas trouvé. Je l'avais, je ne sais plus là où j'ai mis. C'est les enfants jouent avec plusieurs pièces. Batoto mchezo na bitu ya kuachana chana. Pour constituer une image qui est présentée généralement sur le carton du puzzle. Et pour jouer, généralement, on met ces pièces en désordre. Et c'est à toi de positionner chaque pièce au bon endroit. Pour obtenir ce que tu veux. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dans ta vie. Il est en train d'arranger tous les éléments du puzzle. Pour atteindre ta destinée. ili afikie mkifikio yako. Alléluia. Amen. Après ces choses, kisha maneno haya, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses. Mambo ilipitaka na mbele. Merci de la technique pour l'image qu'il nous donne. C'était un peu des éléments comme ça. Il faut les mettre une pièce à côté de l'autre. Et puis on aura la chose qu'on recherche. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu arrange tous les éléments du puzzle dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout tu passes, Bahali potu lipopita, Dieu est en train d'arranger Mungu eko na tengeneza tous les éléments du puzzle pour ta vie. Yombo vyote ya puzzle kwa ajili ya maisha yako. Alléluia. Amen. Après ces choses, kisha maneno haya, il y a eu des choses kuko vitu qui se sont passées dans la vie d'Abraham. Ilipitaka na mbele maisha ya Ibrahim. Avant même de continuer, dès que j'ai lu ça, j'ai commencé à me réjouir à moi-même. Après ces choses, oh, je vais dire à quelqu'un, les problèmes que tu as, les épreuves que tu as, ne sont pas la fin, ne vont pas arrêter ta vie. Après ces événements, après tes problèmes, la vie continue. Après toutes tes difficultés, il y a des choses que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie ne s'arrête pas avec nos difficultés. Alléluia. Amen. Tu veux t'empoisonner. Unaweza tu veux arrêter ta vie. Unapenda kusimamisha maisha yako. Tu veux démissionner. Unapenda kuondoka. Bien aimé, notre vie maisha yetu ne s'arrête pas avec les difficultés que nous connaissons. Les difficultés sont là, mais la vie va continuer. Alléluia. Amen. Je suis en train de me représenter. Même les morts, nos parents, nos frères, nos épouses, nos maris, quand ils se réveillent aujourd'hui, et ils s'étonnent que la vie continue. Alléluia. Amen. C'est comme que même quand tu as des problèmes difficiles dans la vie, attaque na mambo ya nguvu kabisa maisha, la vie ne s'arrête pas. Maisha haitashimama. Elle continue. Iko na endelea mbele. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise toujours dans Genèse 22 maintenant le premier et le deuxième verset. Gardez ce verset en tête. Mettons le premier verset. Il y a des choses extraordinaires. Nous allons en parler aujourd'hui. Après ces choses, toujours après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La Bible me dit, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Une épreuve, c'est un examen. Une épreuve, c'est une difficulté. Une épreuve, c'est un test. Une épreuve, c'est un problème. Donc après un moment, Dieu a mis Abraham en examen. Dieu a testé la foi d'Abraham. Dans le chapitre 15, la Bible dit qu'Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Mais au chapitre 22, Dieu vient tester la foi d'Abraham. La Bible dit qu'il a mis Abraham à l'épreuve. C'était quoi l'épreuve? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va l'offrir en holocauste sur la montagne de Moridja. Abraham est parti. Il a pris Isaac. Il a amené. Arrivé sur la montagne, il a soulevé le couteau. L'ange l'a arrêté. Je vais revenir à tout ça. Et puis un bélier a été mis à la place. Abraham est rentré avec son fils. Et quand vous voyez toute la scène là, Dieu a affaire à Abraham. Dieu n'a pas affaire à Isaac. Isaac regarde son père. Il dit, père, Baba, le bois est là. Asi, le feu. Kuni le couteau. Moto yoy, na kisu. Mais où est l'offrande? Sasa sadaka iko wapi? Où est le sacrifice? Ya kuweza kutoa. Abraham dit, anasema, l'Éternel se pouvoir. Wamilele mwenyewe atajiletea. Vous connaissez l'histoire. Unaiwa mambo vizuri. Et puis Abraham descend avec son fils. Kisha Ibrahim alishuka na mwanai. Au retour, wakati ya kurudia, qu'est-ce qu'Isaac a posé comme question à son père? Nini Isaac aliuliza baba yake kama ulizo? Quel était l'état du cœur d'Abraham? Halia, Ibrahim ya moyo ilikuwa namna gani? Quel était l'état de son cœur? Sasa halia mwili ya moyo yake ilikuwa namna gani? Quel était l'état du cœur d'Abraham? Halia moyo ya Ibrahim ilikuwa hali gani? Et la Bible dit, la Bible nasema, après ces choses, haya, après ces choses, haya, oh Dieu est merveilleux. Mungu wetu ni mwema kabisa. Dieu est merveilleux. Hakika Mungu ni mwema kabisa. Il est merveilleux. Mungu ni mwema kabisa. Après l'épreuve, kisha vipimo, notre vie yetu ne s'arrête pas avec nos épreuves. Pale, kisha vipimo yetu. Amen. Ta vie maisha yako ne va pas s'arrêter avec tes épreuves. Kisha vipimo yako. Il y aura des épreuves dans ta vie. Vipimo vitafika maisha yako. Mais après les épreuves, kisha vipimo ile, il y aura autre chose. Kutakuya maneno ingine. Je vais encourager quelqu'un qui traverse des moments d'épreuves, des moments difficiles. Il y a une bonne nouvelle. Ta vie ne va pas s'arrêter à tes épreuves. Alléluia. Amen. Deuxième chose, on fit à Abraham un rapport. Oh, la Bible n'écrit rien pour rien. Il y a une bonne nouvelle. Retiens ça. Après toutes tes épreuves, aujourd'hui, ce mois de juillet, dans les jours qui viennent, tu recevras un bon rapport. Alléluia. Amen. Il descend de la montagne alishuka toka kumulima avec un cœur blessé. Na moyo ni kuumizwa. Avec un enfant qui lui pose des questions. Na mtoto anamuuliza maulizo mbalimbali. Baba, qu'est-ce que tu voulais me faire? Baba, unataka kunifanyia nini? Il doit trouver des mots. Anapaswa kutafuta misemo. Pour expliquer à Isaac. Ili amufasirie na mwambie Isaka. Travailleur lui pose des questions. Mais pendant qu'il descend, un rapport vient. Bien aimé, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Il y a un rapport qui vient dans la vie de quelqu'un. Il y a un rapport qui est en train d'arriver. Il y a un rapport qui est en train d'arriver. Il y a un rapport qui vient. Il y a une nouvelle qui vient. Il y a une nouvelle qui est en train de venir. Alléluia. Amen. Abraham ne pouvait pas s'imaginer. Ibrahim kuweza kuzania tena. Abraham ne croyait pas. Kuaminia tena. Mais il y a une nouvelle qui vient. Kiniku kwa habari moja ilifika. C'est quoi la nouvelle? Habari ile ni habari gani? Voici. Tazama. Milka a aussi enfanté. Milka naye anapata mtoto. A aussi enfanté. Naye anazala tena mtoto. C'est-à-dire que dans la famille d'Abraham il y avait un problème. Manake mujamba na Ibrahim ulikuwa tatizo. Abraham ne mettait pas au monde. Ibrahim alikuwa anazala. Son frère Nassor aussi ne mettait pas au monde. Nakori naye alikuwa anazala tena. Mais pendant qu'il descend de la montagne. On lui donne la bonne nouvelle. Wanampatia habari njema. Il y a eu des naissances dans la famille. Ulikuwa uzao mukizazi. Je suis en train d'avancer ensemble avec vous. Il y a eu des naissances dans la famille. Il y a eu des naissances dans la famille. Oh bien-aimé. J'aime le Seigneur. Quand Abraham est rentré, il n'y avait personne qui pouvait le consoler. Tu traverses des situations où il n'y a personne qui puisse te consoler. Mais je donne une bonne nouvelle. Le Seigneur Dieu, le Dieu que nous prêchons, il amènera une nouvelle dans ta vie qui consolera ton cœur totalement. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver pour consoler ton cœur. Alléluia. Parce que les enfants, c'est un cadeau de l'Éternel. Proverbe nous dit que les enfants est une bénédiction de l'Éternel. Non seulement il y aura une nouvelle, il y aura même des bénédictions. Oh, je l'ai dit au nom de Jésus. Il y a des bénédictions qui viennent, qui vont consoler les cœurs de plusieurs. Alléluia. Amen. Après des moments d'épreuve, il y a des choses qui vont consoler ton cœur. Il y a des choses qui vont consoler les familles. Il y a des choses qui vont consoler cette église, qui vont consoler les mariages, qui vont consoler les études, qui vont consoler le travail, qui vont consoler les foyers. Il y a des nouvelles, il y a des bénédictions de la part de l'Éternel qui vont nous consoler. Après ces choses, on fait un rapport à Abraham. Que Nassor aussi a eu des enfants. Et Abraham était consolé. Il était consolé. Abraham était consolé. Il voulait perdre Isaac. Mais on dit non, ton frère a eu des enfants. Et Abraham était réjoui. Il dit, ouf Seigneur, merci. Il oublie un peu ses épreuves. Oh bien-aimé, Dieu veut faire oublier certaines situations difficiles que nous avons connues dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pleureras pas toujours. Ce n'est pas ça la vie. Le deuil a un début et une fin. Tous les hommes qui étaient en deuil, quand ils continuaient, Dieu lui-même les arrêtait. Je dis à quelqu'un qui pleure ce matin, tu ne pleureras pas toujours. Aujourd'hui, tu recevras une nouvelle qui va consoler ton cœur. Cette année, ce mois, avant que juillet ne se termine, je le prophétise, tu recevras une nouvelle qui va consoler ta famille, qui va consoler ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a reçu une nouvelle qui a consolé son cœur. Alors, regardons maintenant les enfants qui sont nés. Et nous allons comprendre comment Dieu travaille. Verset 21 à 22, jusqu'à 23. Toujours Genèse chapitre 22. Voici les enfants de Nachor, le frère d'Abraham. Uth, son premier-né. Buz, son frère. Kemuel, le père d'Aram. Baba wa Aramu. Kesed, Kesedi. Azo, Azo. Pildash, Pildashi. Zidlap, Zidlafi. Et Betuel. Na Betueli. Quand je lis Betuel, wakati nisoma Betueli, mon cœur sursaute. Moyo wangu iliruka. Ça m'intéresse, non, il faut que je continue. Inipatia furaha sherti niendelee kusoma. Ça c'est le rapport qu'on donne à Abraham. Injo ripoti Ibrahim alipata. Que Nachor ton frère a eu des enfants. Nakori ndugu yangu alipata watoto. Parmi les enfants de Nachor, il y a Betuel. Katikati ya watoto wa Nakori kuna kuya tena Betueli. Betuel. Betueli. Le verset suivant. Stari fatayo. Betuel engendra Rebecca. Betuel na yalizala Rebecca. Je parlerai déjà là. Donc Abraham descend de la montagne. Après une épreuve difficile. Suivez-moi bien. Le cœur qui saigne. Comme ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui viennent des épreuves difficiles. Difficile. Le cœur en train de saigner. Qui se demande qu'est-ce qu'on va faire. Pendant qu'il s'est posé des questions, on lui amène un rapport. Le temps est arrivé. Tu recevras toi aussi un rapport. Une nouvelle. Une nouvelle. Différente du deuil que tu as eu. Différente des mauvais moments que tu as eu. Abraham reçoit un rapport. Ibrahim a pu créer l'hypothèse. On dit que Nachor, ton frère, Duguyako. Oh, j'aime ça. Benda maneno haya. Pas spirituel, non, non. Aina mambo ya kiroho pan. Son frère dans la chair. Duguyake, mwili mwili tu. Oh, frères et sœurs. Duku na dad. Dieu. Il y a des choses qu'il veut faire. Ukubiti vile anapenda kutenda. Nachor. Nakori. Enfanté, naïe n'est pas tamtote. Betuel, alimuzala Betuel. Et Betuel, na Betueli naïe a engendré qui? Alizala nani? Rebecca. Rebecca. Ah ça commence à m'intéresser. Ah inanza kunyewe, furesha kabisa kunipendeza. Rebecca. Uyu Rebecca était la femme de qui? De qui? De qui? Wa Isaka. Mais qui est-ce qu'on devait sacrifier sur la montagne? On devait sacrifier qui? Isaka. Alors il y a un problème. Vous voyez comment Dieu travaille? Isaac. Oui, Isaac. En train de perdre la vie sur la montagne. Pendant qu'il est en train de vouloir perdre la vie, Dieu est en train de donner naissance à Rebecca, qui sera la femme de ce monsieur, pour un objectif précis. Oh bien-aimé, c'est-à-dire, et Abraham, na Ibrahim, et Isaac. Isaac. Ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Seul Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu traverses des moments difficiles. Tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. Ce n'est même pas ton problème. Le Dieu des cieux, il est en train d'arranger les éléments de ton puzzle. Il est en train d'arranger les éléments de ta vie. Pendant que tu veux mourir, mais le Seigneur t'évite la mort. Parce qu'il prépare ta Rebecca. Rebecca wako. Oh, je dis à quelqu'un. Ta Rebecca est en train de venir. Elle est déjà en train d'être préparée par Dieu. Pendant que toi tu ne connais pas. Isaac ne connaît pas. Abraham ne connaît pas. Même Nachor lui-même ne sait pas que Bethuel que je mets au monde va engendrer Rebecca qui sera la femme d'Isaac mon frère. Oh bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'aime le Seigneur. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il t'abandonnera jamais. Il te délaissera jamais. Dieu n'est pas surpris par ce qui va arriver. Non, non, je retiens une chose. Dieu prépare l'avenir de quelqu'un sans que la personne ne le sache. Alléluia. Amen. Dieu prépare l'avenir. Alors ne pleure plus. Ne te plains pas des choses. Abraham est resté calme. Dieu a travaillé. Il n'avait pas qu'Abraham. Le plan de Dieu, c'est vrai. Dieu a promis à Abraham de passer par Isaac. Mais Dieu avait besoin d'autres éléments. Alors, les éléments qu'il te faut pour accomplir le plan de Dieu, Dieu est en train de le préparer maintenant. Maintenant là, les éléments qu'il te faut pour ton mariage dans 20 ans, les éléments qu'il te faut pour être ministre dans 10 ans, Dieu est en train de le préparer aujourd'hui en silence et à ton insu. Alléluia. Amen. Change ta prière. Padrisha, fais confiance au Seigneur. Na, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il est temps de faire confiance au Seigneur. Bethuel a engendré Rebecca. Bethuel muzala Rebecca. Rebecca qui est devenue la femme d'Isaac. Rebecca rikuya muke wa Isaka. Et la Bible me dit, la Bible, je pense dans Genèse 24, verset 60, le dernier verset là, 67, je pense, le dernier verset, on dit, Isaac a pris Rebecca, sa femme, ainsi fut consolé Isaac. Après avoir perdu sa mère. Donc la consolation là d'Isaac, Dieu l'a préparé pendant qu'Isaac ne savait pas. Je dis à quelqu'un, ta consolation va arriver. Dieu est en train de préparer la consolation de quelqu'un. Dieu prépare la consolation d'une vie. Dieu prépare la consolation d'une famille. Dieu prépare la consolation d'un peuple. Dieu prépare la consolation d'une église. Pendant que vous ne le savez pas, Dieu prépare la consolation. Oh, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Dieu agit généralement en silence. Dieu agit en silence. Dieu agit, il cache des choses. L'homme a tendance à couronner, à connaître, à bintou. L'homme a tendance à faire ses voir. Dieu agit en cachant des choses. Dieu agit en silence. Marie a dit. Miriam a dit. Il prend les choses du fumier. Ce que l'œil n'a pas vu, comme disait Paul. Il est litio à icône qui s'y parle. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Voilà, il est sécu à Yougoustikia. Ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Attends, il est coupant de ta catégorie à Sikari Yamutu. Ce sont des choses que Dieu prépare. Je vais le vite tout, Mungon à Taïrisha. La plupart des vraies choses que Dieu prépare pour les gens. Maramingi vite tout, Kamili Bile Mungon à Taïrisha, quoi, Tilia Watu. Ce sont des choses que tu n'as jamais imaginées. Et vite tout, Bile Abiengiaka Mwakiri Yako. Jamais. Dieu n'aime pas là où il y a trop de bruit. Il ne veut pas se confondre avec les hommes. Abraham descend de la montagne. Après une épreuve. Mais Dieu prépare la consolation. Pendant qu'il descendait de la montagne, il reçoit une nouvelle qui réjouit son cœur. Dieu ne s'arrête pas seulement aux nouvelles. Dieu agit au-delà des nouvelles. Donc pendant ce temps-là, Dieu prépare Rebecca pour Isaac qui allait être sacrifié. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas parce que tu dois rencontrer ta consolation que Dieu a préparée. Tu dois rencontrer Rebecca que Dieu a préparée. Tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Abraham veut sacrifier Isaac. Je lui dis non, prends le bélier. À la place d'Isaac. Dans la vie, il faut toujours un sacrifice pour te racheter. Alléluia. Amen. Il faut toujours un sacrifice. On n'obtient rien dans la vie sans sacrifice. Comme il fait froid, tu dors. Tu dis que tu n'as rien à obtenir. On n'obtient rien sans sacrifice. C'est le principe, un principe divin. Même Dieu lui-même. Pour nous obtenir, il s'est blessé. Il y a eu un sacrifice. Il a eu mal, il a payé Jésus-Christ. Tu n'obtiendras rien dans la vie si tu ne te sacrifies pas aujourd'hui. Tu veux garantir ta vieillesse? C'est aujourd'hui le sacrifice. Tu veux réussir à l'école? C'est aujourd'hui le sacrifice. Tu veux être un grand? C'est aujourd'hui le sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Alléluia. Amen. J'encourage les jeunes. Sacrifiez-vous maintenant. Privez-vous de beaucoup de choses. En fait, ta vie est proportionnelle au sacrifice que tu as fait. Un petit sacrifice, une petite gloire. Un grand sacrifice, une grande gloire. C'est pourquoi dans Philippiens, la Bible dit, parce qu'il s'est humilié, n'est-ce pas, en devenant semblable à l'homme, en acceptant la mort jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Si Jésus n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu un nom au-dessus de tous les noms. Avant la croix, on ne disait pas dans la Bible que Jésus-Christ, son nom était au-dessus de tous les noms des anges. Mais après la croix, on nous a dit que son nom était au-dessus de tous les noms. Et d'ailleurs, Hébreux nous dit, auquel des anges Dieu a déjà dit, tu es mon fils en qui j'ai mis mon affection. Mais quand Jésus a accepté, Dieu lui a dit, tu es mon fils en qui j'ai mis mon affection. Donc je retiens une chose. Rebecca a été préparée pour Isaac qui devait être pendu à la montagne. Dieu fait des choses extraordinaires. Je vais aller plus loin. Un jour, Jacob fuit son frère. Il arrive chez Laban. Laban est frère de Rebecca. Ninduku yake ya Rebecca. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Laban est frère de Rebecca. Laban ninduku yake ya Rebecca. Laban a une fille. Laban akuya na mtoto moyo mwanamke. Who a eu des filles. Alikuwa na wana watoto wa wasichana wa mengi. Léa et Rachel. Na Rachel. Léa la grande. Rachel la petite. Toutes les deux sont devenues femmes de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Ces éléments-là du puzzle, il n'y a que Dieu qui pouvait les faire. Je voulais encourager quelqu'un. Sois rassuré que le Dieu des cieux que nous servons, le Dieu des cieux que nous prions, est en train de préparer tous les éléments qu'il faut pour ta grandeur. Alléluia. Amen. Il ne va pas seulement se limiter à toi. Il a fait pour Isaac. Il a fait pour Jacob. Donc mon Dieu le fera pour toi, pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Donc quand vous lisez dans Genèse 22-20, c'est juste un verset. Et Dieu fait grâce. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport. Milka a enfanté des fils à Nachor, ton fils. Oh, Dieu est merveilleux. J'aimerais ce matin que tu réalises cela et que tu bénisses la grandeur de Dieu. Que Dieu est en train d'arranger tous les éléments pour ta vie. Dieu veut te faire grâce. Incline-toi en prière. Incline-toi en prière. Seigneur, merci. Buona santé. Merci Seigneur. Santé buona. Pour tout ce que tu veux faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. China la Yesu. Au nom de Jésus. China la Yesu. Au nom de Jésus. China la Yesu. Au nom de Jésus. China la Yesu. Aujourd'hui, mets ta foi en action. Leweka imani yako katika tendo. Que le Dieu que nous servons. Uyu Mungu tunayemtumikia. Que Dieu que nous servons. Uyu Mungu tunayemtumikia. Il veut te faire grâce. Napenda kufanyia neema. Manifeste-toi, Seigneur. Bwana ujionyeshe. Manifeste-toi, Seigneur. Kika ujionyeshe Bwana. Manifeste-toi, Seigneur. Bwana ujionyeshe. Manifeste-toi, Seigneur. Ujionyeshe Bwana. Manifeste-toi, Seigneur. Ujionyeshe Bwana. Au nom de Jésus. China la Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Alléluia. Nous te rendons grâce. Shukuru Bwana. Lève seulement ta main là où tu es. Maloko, nyanyira mkono yako. Il n'y a pas beaucoup de choses aujourd'hui. Je veux que tu retiennes cela. Kuna vitu mingi leo napenda ushike tu ile. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Toi qui connais des épreuves. Uliweza kupata vipimo mbalimbali. Aujourd'hui. Léoï. Que le Seigneur te console. Wana akufariji. Avec une bonne nouvelle. Na habari nzuri. Alléluia. Toi qui te poses mille questions aujourd'hui. Unajiuliza maulizo mbalimbali leo. Sur ton avenir. Kwa ajili ya ujio wako. Aujourd'hui. Léo léo. Que tous les éléments qu'il te faut pour ton avenir soit libéré sur le plan spirituel au nom de Jésus. Qu'il commence à marcher pour concourir à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Seigneur, je bénis ton peuple. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Et tu peux encore acclamer pour le Seigneur. Alors ne te décourage pas aujourd'hui. Je veux que ce soit un jour tu reprends courage et tu dis le Seigneur est réellement au contrôle. Ma vie ne va pas s'arrêter avec les épreuves. Alors nous voulons passer aux offrandes. J'invite le groupe Gaël qui va nous accompagner. Alors le protocole est de nous à faire rapidement les offrandes. Et après nous allons passer à autre chose. Azana matina ya kubikela Oye salaka makasi ya moto Eza pebisika ya kulikia Yesu elikia nanga ya sika Yende tinga ya kuzara nangai natiaka yanga motema na baye basala bakombo awa na se si mama kambo changer ya venir nanga pe ko si mbulu ki bisika natia loko zoka solution izana batote elika nanga ya sika yesu Bolingo ya quelque temps na yoki ba jete mandenge isi si maya moi mikolo déception ya moto toujours au rendez-vous na longoli elika na bato bala pakandai basalela mosapi elika na ngaya sika yesu nandi mama loba monganga loba tana poto bokono ekosila te minganga baye kolinzo toka si mokolo nzoto mopesi na pemo Elika na monganga te, kepe azwa kapema epaye akolo Na likia lisusu na nzambe, yende lisungi esila kate Lisungi Yendo epasi ya mbisa mongo elika Ya kumu na koko kisa maya bilaka na nzambe haose Elika na mga ya sika Gaina likia lisusu Adamiso mongo tueza komo na te Gaina likia lisusu Okotanga motema, osilisa bilembo nyoso ya pasi Otianze mbo ya sika, efe nango, kombo na yesu Efe nango, kombo na yesu Efe nango, kombo na yesu Efe nango, kombo na yesu Efe nango, kombo na yesu Elaka na zambe, katisa bikeke kino elata nzoto Maloba na yo, elengi yesalabo keseni na basusu Kombo na yo eko masije ya loimbo ya tango nyonsi ya ya Molimo akitie, motema etondi na sai Molimo akitie, elike etondi motema Yango asimba kangai, na yo kakaposa semoko Yako yembela mo santo alola Bomboli bijoli na kose kaya ngonga yo Yako yembela yeso Kaya ina melite kasi na langwe na posa koyema Yako yembela yeso Yako binela mosa twa lola Bandeko yope makasi na ngayi yako binela yo Yako binela yeso Yako sanjola mosa twa lola Elika ematili susu na lingina sanjola yo Sanjola, sanjola, sanjola, sanjola, sanjola C'est pour le Seigneur. Wabi Mololo. Ah, ya koyembela mo santwalela. Ah, ya koyembela. Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sanjola de Govide, Sajola de Bobine, Sajola de Bobine. Réellement, la maison de l'Éternel, c'est une maison de joie et une maison de consolation. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Comme il est écrit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Nous voici ce matin avec nos offrandes. Que ton sang purifie et que tu te souviens de toute main qui a eu à préparer l'offrande ce matin. À toi seul la gloire, le règne au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous allons passer très rapidement au communiqué. Alors à présent, si ce matin il y a parmi nous des bien-aimés qui sont venus pour leur toute première fois, louer et adorer Dieu avec nous, des frères et sœurs, s'ils sont là, nous les demandons juste de pouvoir juste tenir debout. Nous allons les accueillir au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre première fois ce matin, vous pouvez juste vous tenir debout de là où vous êtes. Nous allons vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Merci, nous avons un bien-aimé derrière. Nous avons aussi notre sœur. Si vous êtes encore là, vous allez juste vous tenir debout pendant un moment. Alors nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là ce matin. À la fin de ces cultes, ne soyez pas pressés de partir, il y aura quelques bien-aimés qui vont échanger avec vous pendant quelques minutes. Alors nous passons au communiqué. Cette semaine, à partir du lundi jusqu'au vendredi, nous avons notre prière matinale de 6h à 7h. Nous demandons à toute l'Église d'être là pour commencer la journée avec l'Éternel. Toujours ce même lundi, à partir de 16h30 à 18h, il y a rencontre en secteur. Le mercredi de 16h30 à 18h30, nous avons un culte d'enseignement et prière. Les jeudis, toutes les mamans sont attendues à leur culte des mamans à 15h. Et les vendredis, nous avons notre programme des jeûnes et prières qui commence à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Les samedis, il est demandé à tous les intercesseurs d'être là de 7h30 à 8h30 pour leur programme. Et de 9h, tous les évangélistes. Et 15h, nous avons l'éducation chrétienne. Le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons un culte des bonnes nouvelles qui commence à partir de 8h jusqu'à 8h30 avec intercession de tous les serviteurs. De 8h jusqu'à 11h, culte des bonnes nouvelles. Et à 15h, nous avons le culte de la JPC qui prend fin à 17h. Programme des secteurs. Le secteur 40 maisons, Zout et Centre-Ville vont se retrouver chez Papa Olivier. Le secteur KSNCC et ICS au niveau de l'église. Le secteur quartier mission 1 chez Papa Eric et Maman Fifi. Les secteurs quartier mission 2 et Chitourou chez Papa Gilles Niembo. Alors pour la suite, nous invitons le frère Albert. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est un jour spécial également. Nous voudrons aujourd'hui, en tant qu'église source féconde, faire un geste d'amour à l'égard de notre père, le révérend pasteur Désiré Mbaye, qui depuis hier, il a fêté son anniversaire, le 55e anniversaire. Ah, je pensais que c'est l'église, voilà, voilà. Alors, c'est toujours compliqué de prendre la parole en tant que fils. Je voudrais, pendant que l'orchestre sera en train de s'apprêter, je voudrais ensemble que nous puissions formuler nos vœux. Mais avant cela, je voudrais marquer quelque chose, que nous puissions dire quelque chose à notre Père au nom de l'Église. Et il est toujours mieux, comme il aime bien les dire, de les faire dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais lire le livre de Proverbes, le chapitre 20 et le verset 7. Proverbes, chapitre 20, le verset 7. La Bible dit, « Les justes marchent dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Les justes marchent dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Papa Désiré, ce texte met en relation le père que vous êtes et les enfants que nous sommes, ici en présentiel, mais aussi en distanciel, ceux qui nous suivent de partout. Papa, les 55 ans d'âge que nous célébrons, nous avons célébré hier et que nous continuons à célébrer aujourd'hui, marquent un parcours d'une vie, une marche ponctuée par différentes valeurs qui sont enracinées dans votre être pendant toute votre vie. Chaque jour, quand nous vous regardons, nous ne cessons de mentionner ces valeurs chrétiennes. Papa Désiré. Désiré, D comme un dévouement retrouvé dans tout ce que vous faites alors que vous vous investissez à 100% dans l'œuvre de Dieu. E comme espérance qui vous caractérise durant toute votre marche. Vous commencez un projet, nous vos enfants, quelquefois nous ne voyons pas, mais vous déjà vous voyez ce que sera ce projet alors qu'il est au début. S comme le salut des âmes qui caractérise votre vision dans votre théologie ministérielle. I comme intégrité, que le texte a repris d'ailleurs dans les livres des Proverbes. Et R comme résultat qui vous accompagne toujours dans tout ce que vous entreprenez. Et E, à la fin, comme épanouissement qui caractérise toutes vos réalisations. Papa Désiré, oui, vous êtes les justes pour nous, vos enfants. Nous en sommes heureux. Alléluia. Vous êtes les justes car au-delà d'être une victime de la grâce salvatrice de Dieu par Jésus-Christ, le quotidien de votre vie démontre comment vous vous appliquez effectivement aux principes de la parole de Dieu. Et ce, dans votre famille, dans le ministère et même dans cette église et même dans les séculiers. Dans la vie professionnelle. Papa Désiré, votre vie menée avec intégrité et honnêteté a amené un héritage positif dans l'armée des enfants qui sont présents ici et qui nous suivent en distanciel. Papa Désiré, votre vie menée avec honnêteté a engendré des générations et une armée d'enfants qui vous célèbrent aujourd'hui avec applaudissements et reconnaissance à l'Éternel. Eh oui, ça vaut la peine, parce que les enfants qui vous célèbrent aujourd'hui avec applaudissements, mais aussi avec joie dans l'expression de la bouche, ces enfants également sont des flèches qui sont dans votre carquois et que vous lancerez toujours et qui vont aussi aller plus loin, qui peuvent même faire le double de vous, comme ce fut le cas d'Élie par rapport à Élisée. C'est pourquoi, Église Source Féconde, est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout? Nous voudrons tous ensemble faire des ovations, des acclamations, des applaudissements pour notre Père, pour wow. Ses 55 ans. Wow. Très fort. Alors, je n'ai pas entendu ton cri. Très je n'ai fort. Pas entendu ton cri. Très fort. Je ne l'ai pas entendu. Wow. Le maximum de cris de joie. Très fort. Alléluia. Est-ce que l'église, on peut... Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie à cela? Wow, est-ce wow. qu'on peut ajouter des cris de joie à Exagère cela? Exagère encore. Alors, vous êtes un papa de plusieurs. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors, vous êtes un papa pour ces enfants qui sont là, mais aussi pour nous tous et ceux qui sont au loin, au loin, au loin, au loin, au loin là. Alors, nous voudrons ensemble commencer cette série de vœux par suivre ce que les médias et la technique vont nous proposer. Et nous allons découvrir ensemble ce que c'est. Et après, nous allons directement passer à autre chose. Est-ce que média, on peut y aller, s'il vous plaît? Le soleil est sur le ciel. Mon désir le plus profond est que tu restes et tu demeures à l'écoute de notre Seigneur, que tu marches toujours à sa grâce afin qu'il continue à diriger tes vies. Je souhaite que nous ayons des jours heureux, que nous n'allons jamais être d'un parole du tout, et que nous marchions toujours à sa lumière ensemble. Que Dieu te bénisse et qu'il augmente encore tes jours. Je t'aime, ta chérie. Joyeux anniversaire, papa. Que cette nouvelle bougie t'apporte beaucoup de joie, de bonheur, de santé, de succès et de prospérité. Que Dieu te garde encore longtemps, qu'il te donne encore beaucoup plus de force et qu'il nous laisse encore profiter pleinement de toi. Toutes les bonnes choses, le reste on va acheter. Et profite de ta journée. Joyeux anniversaire. Coucou papa, oui c'est moi. En tout cas, bon anniversaire. Je te souhaite une pluie de bénédictions à la hauteur de la bénédiction que tu es dans ma vie. Je t'aime papa, bon anniversaire et toutes les bonnes choses. Joyeux anniversaire papa. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'amène à vivre encore tes rêves et tes réalisations cette année qui commence. J'ai un geste répréhensible. Mais non, je vais passer cette journée seulement à chanter avec toi. C'est comme dans nos habitudes. Comme dans nos habitudes. En tout cas, enjoy cette journée et profite. Je suis là. Oui, je suis là. Bye bye. Joyeux anniversaire, papa. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu continue de t'utiliser puissamment, de te fortifier et de t'accorder une longue vie remplie de sagesse et d'amour. Fier d'être ton fils. Joyeux anniversaire, papa. Dis-toi. Si tu es perdu, est-ce que l'église sous seconde peut acclamer Djapakofi? Alors, son jour c'était hier, mais nous l'avons récupéré aujourd'hui. Je voulais dire, comme c'est son jour, donc comme c'était son jour et son jour, je voudrais passer à une série. Nous allons demander à papa de venir ici, juste pour une minute. Et nous allons commencer avec l'ancien Elvis, qui sera suivi de l'ancien Christian qui vont passer pour un souhait, mais aussi un geste. Après cela, nous allons prendre les différents responsables des départements, entre autres, les CODIM et la JPC ensemble. Et après, ça sera les mamans, puis les papas, pour chuter avec l'éducation chrétienne. Alors, nous voudrons le faire si les anciens sont là. Ils peuvent venir ensemble. Et après, juste ça, les autres cadeaux, nous allons les récupérer. Et l'église entière va juste prononcer une parole de bénédiction pour le Père. L'ancien Christian et l'ancien Elvis s'avancent ensemble. Nous pouvons les encourager. Papa Désiré, un père pour nous et aussi un repère. En ce jour de célébration de votre anniversaire, c'est des questionnements pour nous, pour cet âge que vous avez atteint aujourd'hui. Où nous nous sommes et où vous êtes, nous resterons toujours à vos pieds pour apprendre de vous et de ce que vous êtes. Joyeux anniversaire, papa. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Ancien, tu as parlé au nom des anciens. Papa Désiré, c'est une joie pour nous de vous savoir. Vous êtes toute une école. Vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes un mystère dans la vision, dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes venus dans cette église informe et vide. Aujourd'hui, ce n'est même pas encore fini. Nous continuons de vous regarder. Nous vous observons à la limite de vos pas. Nous prions pour vous. Nous prions que Dieu vous garde parce que nous croyons en votre Dieu. Nous croyons en ce que votre Dieu est capable de faire. Nous souhaitons juste apporter quelque chose et vous couvrir de tout l'amour possible. Nous demandons à Dieu de rester avec vous, à Dieu de vous préserver et vous garder. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous voudrons gagner en temps. Nous allons demander aux responsables de l'ECODIM, de la JPC, de l'éducation chrétienne, les papas ainsi que les mamans, tous ensemble, ils peuvent venir ensemble déposer, faire leurs gestes, puis après faire un petit souhait. Et après, nous allons continuer avec le programme. Nous voudrons faire le tout en un seul moment. Si les médias et techniques aussi peuvent également se joindre à toute l'équipe. Pendant qu'ils seront en train de venir, est-ce que Gaël peut nous entretenir avec un bon chant? C'est Alléluia, Amen. Oh, l'écodime est déjà là en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut applaudir et acclamer? Ça, c'est l'écodime qui s'avance vers papa pour remettre les cadeaux. Ne manquez pas toujours d'applaudir. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour papa. Bonjour maman. Une année de plus. Une nouvelle dimension. Une nouvelle réputation. Une nouvelle ère. Joyeux anniversaire d'Adi Désiré. Le père de beaucoup d'enfants. Un modèle pour plusieurs. Vous avoir comme père est un repère. Votre bon cœur nous inspire et nous ramène à l'amour du prochain, recommandé par Christ, que nous le voyons au travers des œuvres de charité réalisées. Joyeux anniversaire, Daddy. Au nom de toutes les Codim Malaïka, Nous vous souhaitons le meilleur et prions que Dieu vous prête encore longtemps. Happy birthday, Daddy. Nous vous remercions. Ça, c'est l'éducation chrétienne qui s'avance également. On peut aussi l'applaudir. La technique et les médias peuvent aussi s'avancer. Technique et médias s'avancent aussi, pendant que les mamans ou le département des mamans s'avance également. Papa, nous n'avons pas beaucoup à dire. Nous sommes là très reconnaissants. Donc nous avons commencé dans les faibles commencements avec vous. Aujourd'hui, nous sommes des grands responsables dans les différents foyers. Et nous reflétons l'image d'une bonne éducation chrétienne dans cette église. Nous avons qu'à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que Dieu vous garde encore plus longtemps. Merci. Merci. Alors, nous demandons à tous ceux qui restent, ils peuvent amener les cadeaux juste après. Pendant ces instants, il y a un cadeau spécial, c'est juste la prière. Alléluia. L'église entière, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons juste lever nos mains vers papa et maman. Nous allons proclamer des paroles de bénédiction sur eux. Nous allons les bénir, nous allons bénir tout ce qui est attaché à eux. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Élevons nos voix, élevons également nos mains vers papa et maman. Oui, papa Désiré, l'église entière. Cher pasteur, en ces jours spéciaux, nous célébrons non seulement votre naissance, mais aussi l'impact profond que vous avez dans nos vies. Votre vie est une bénédiction, votre appel est une inspiration et votre ministère est un cadeau pour l'Église. Merci pour votre... Nous en profitons également pour dire à toute l'Église, au nom de Papa, que l'Église peut rester pour le partage d'un verre, juste ici dans cette Église. Et les anciens, tous les serviteurs, diacres, diaconesses, ils peuvent se retrouver avec les autres invités à l'espace de la salle. Que Dieu vous bénisse. Gaël, musique, nous donne un chant. Cher pasteur, en ces jours spéciaux, nous célébrons non seulement votre naissance, mais aussi l'impact profond. Tika na sanjola yo, papa. Tika ngai na kumisa yo. Tika ngai na netola yo. Golo tika na sanjola yo. Kompona yo masiana. Yezala nzete ya biyo. Nafanda na kimya. Kubona yo masiana Izala mopanga monene Na kukwe isa satana Na kongwa libota na bikite Na kongwa noko na bikite Na biki na kongwa na yesu Katageli nga bakisi ya farmasi Lobiko epe sanite Kubona yesu nde libiki naka Uloko taki nakati nanzela Kupakoli nga imafuta na yo Uyoboli ngomo nene yesu ah, Sinalika kina beba ye Sinalika kina kufa ye Yobiki singa ye ah, Sinalika kina beba ye Sinalika kina kufa ye Kukamboli nga ye Sengo e, elika e, kimia e Sengo e, elika e, kimia e Sengo e, sengo e Alors, pour chuter, nous allons donner la parole à papa. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons les seigneurs. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Bon, parler beaucoup, c'est toujours compliqué. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Je veux remercier toute l'église pour vos prières, tous les vœux que j'ai reçus depuis hier. De partout, je vous dis infiniment merci. Vous savez, dans 1 Corinthiens, je pense, si je ne me trompe pas, chapitre 3, verset 6. La Bible dit que Paul, il dit que j'ai planté et Apollos a arrosé. En sorte que ce n'est ni celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose qui a quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et je bénis le Seigneur parce que dans ma vie, vous tous, chacun à sa façon, a arrosé quelque chose. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai reçu l'eau où, que chacun a arrosé en la quantité et à la façon que Dieu a permis. Et pour cela, je vous suis vraiment reconnaissant. Merci pour tous vos voeux. Merci pour votre amour. Et après ces choses, Dieu continue à travailler. Restons attentifs au Seigneur pour que Dieu puisse nous garder. Et en même temps que Dieu puisse vous garder pour cela. Je bénis aussi le Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Logos. C'était cette semaine, c'est le 7. Hein? Le 7. Est-ce que vous pouvez passer devant? Je vais prier pour vous aussi. Je prie pour eux. Tous les amis qui travaillent à Logos. La responsable avec son équipe. Nous prions pour eux. Ils nous bénissent, ils nous aident. Et voilà, nous pouvons suivre le culte en direct, nous pouvons suivre certaines choses. Vous connaissez les noms de tout le monde, les noms que vous voyez. Et on bénit le Seigneur. Levons nos mains, bénissons-les. Seigneur, je te dis merci pour ces bien-aimés qui se dépensent dans leur vie pour que ta parole soit portée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aussi le jour pour leur anniversaire. Je les bénis et je les recommande à ta grâce. Qu'ils prospèrent. Que rien ne les arrête. Qu'ils soient guéris dans leur corps, dans leur chair, dans leur maison, dans leur famille. Et que leur travail soit béni. Nous condamnons tout ce qui peut condamner leur travail. Et nous proclamons la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il rentre à leur place. Merci. Accenté. Il y a eu mariage d'une de mes filles. Kuna kuwa tena kufunga ndoa kwa binti wangu moja. Nick et Jeff qui se sont mariés vendredi à 14h30. Walioliwa siku ya vendredi na saa 14h30. Pendant que j'étais sur la route, mais je bénis le Seigneur, au moins le mariage a eu lieu. Bariki Bwana kwa ajili. Ils peuvent s'approcher. Wanaweza kusogea. Pendant que nous acclamons les gens pour les encourager. Wakati wanasogea tunawashangilia. Venez. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut les et encourager. Tu n'as pas dit on peut les encourager. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous exhortons l'église à venir encourager les gens qui se marient. Parce que dans ta vie aussi, dans ta famille, quelqu'un se mariera. Celui qui arrose sera arrosé. Voilà, maintenant ils sont mariés et femmes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci, vous pouvez rentrer à votre place. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dieu. Nous nous tenons debout. Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. Je bénis ton peuple. Que ta grâce les couvre et les accompagne. Nous te sommes reconnaissants pour ce jour. Et te disons merci pour ta fidélité. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Alors, ne soyons pas pressés de partir. Je pense que je vais partager le secret avec toute l'église. Restez seulement assis à votre place. Nous partageons un secret, un petit sandwich. Et les responsables des départements, les anciens, les diacres, les diaconesses, nous pouvons nous retrouver juste à côté de la salle pour un sucré. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia, na Yesu. Kana yebeli mokonzi, yezali geloka. Alléluia, alléluia, alléluia, na Yesu. Uzamo bokwa bomo inangati kana yebela yo. Alléluia, alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, Hallelujah, Hallelujah,